Un été dans le canton de Saint-Gall. Cette année, à la demande de maman, Tata Maria a trouvé une famille d'accueil dans le canton de Saint-Gall, en Suisse alémanique. Faustine passera toute la période des vacances chez des gens adorables. Elle sera nourrie et logée en échange d'une modique pension payée par ses parents et de quelques tâches ménagères, principalement du babysitting. Stéphane retournera chez la vieille mademoiselle Eck, qui n'a désormais plus l'énergie de s'occuper des deux mouflets ensemble. À moins que ce ne soit le pillage systématique de ses provisions de biscuits qui... Voilà donc Faustine dans le train sous surveillance d'un responsable de ProJuventute qui s'occupe de veiller sur les enfants qui lui sont confiés jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port. Les mômes partent de Bruxelles au milieu de la nuit et voyagent en wagon-lit. Au matin, en arrivant à Bâle, Faustine retrouve Tonton Valti et Tata Maria sur le quai. Il l'amène à Benken dans la journée. Elle y fait la connaissance de sa famille provisoire, Urs, Birgit et leurs deux fils, Mathias, l'aîné qui a 4 ans, et Adrian, le cadet, qui a 2 ans. Birgit, comme beaucoup de jeunes Suisses allemandes de l'époque, a passé 1 an en Suisse romande dans l'optique d'apprendre le français. Ses réminiscences lui permettent de baragouiner avec Faustine et de comprendre l'essentiel. Faustine, de son côté, est douée en langues étrangères. En quelques jours, elle se sent parfaitement à l'aise dans le vocabulaire essentiel. Ce qu'elle ne sait pas expliquer par des mots, elle l'exprime avec des gestes, à la mode italienne. Les deux garçons sont adorables et Faustine s'en occupe chaque fois que Birgit doit aller travailler. Elle est serveuse au restaurant du marché. L'ours, lui, est soudeur. Il travaille très dur, part tôt le matin et rentre tard le soir. Faustine le voit un peu le week-end s'il prend le temps de jouer avec les garçons. Mais en général, il est tellement épuisé qu'il préfère se reposer sur le canapé. Bien sûr, Birgit ne travaille pas tout le temps. Elle s'occupe beaucoup des petits quand elle a congé. Ce qui fait que Faustine peut déambuler à sa guise dans le village et ses environs. Souvent, quand on le lui permet, elle se promène avec Mathias qui aime bien venir avec elle. Le soir, ils se rendent ensemble à la laiterie. Faustine installe le garçonnet sur un petit chariot, le bidon à lait entre les cuisses, et hop, ils franchissent gaillardement les 800 mètres du parcours. Parfois, au retour, Faustine court un peu trop vite et le précieux chargement, Mathias bidon lait, se renverse. Si Faustine ne réagit pas vite, tout se répand sur la route. Heureusement, il y a toujours une brave mamie dans le coin qui reconnaît le bambin, sait que ses parents ont du mal à nouer les deux bouts et remplace le liquide manquant. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, Birgit, qui ne se doute de rien, récupère le bidon et fait bouillir le contenu. La tâche principale de Faustine consiste à faire la vaisselle. Seulement voilà, au bout de quelques jours, elle en a plus qu'assez. Un soir, elle se met en grève, rend son torchon et monte s'enfermer dans sa chambre après avoir hurlé qu'elle en a marre, marre, marre. Ours, furieux, monte à sa suite. Il tambourine contre la porte de plus en plus fort. C'est impressionnant sur le bois. Il crie que c'est comme ça et pas autrement. Si Faustine ne veut pas accomplir sa part du boulot, elle peut retourner en Belgique demain. Vaincue, la gamine, qui craint ses parents plus que tout, ouvre la porte. Puisqu'elle la voit tous les jours, Faustine s'est liée d'amitié avec la laitière, une toute jeune femme qui a vécu quelques mois en Suisse romande. Grâce à la gamine, elle rafraîchit son français. Faustine est très flattée d'avoir une telle importance aux yeux d'une adulte. Il arrive à la jeune laitière de se plaindre du manque de clients. Faustine, solidaire, lui achète des petites bouteilles d'essence de rhum, celles qui sont destinées à la confection de pâtisseries. C'est la seule chose qu'elle a les moyens de s'offrir avec le peu d'argent de poche dont elle dispose. La laitière s'imagine sans doute que Faustine les collectionne sans les ouvrir ou qu'elle les donne à Birgit, alors que la coquine trouve leur contenu plutôt bon. Un autre jour, Faustine a amené Mathias visiter la porcherie qui est située juste à côté de la laiterie. Elle veut lui montrer les porcelets qu'on nourrit ici avec le petit lait qui reste une fois qu'on a fait le beurre. Il règne là-dedans une odeur de suerie très particulière. Faustine ne déteste pas, à condition de ne pas prendre racine. Une fois, Faustine est montée à l'étage montrer des machines à Mathias. Puis elle l'a pris dans ses bras avant de redescendre par l'escalier très raide qui conduit vers les mignons porcelets. Elle a glissé sur le carrelage mouillé et dévalé une bonne trentaine de marches sur le derrière avec le garçonnet dans les bras. Quelle peur! Heureusement qu'elle ne l'a pas lâché. Ils auraient pu se tuer. Dimanche, Faustine et Birgitte partent à la rivière avec les garçons. Sur la berge, dans une grande gouille, les petits pataugent en sécurité. Assise dedans avec eux, Faustine les surveille pendant que Birgitte se détend dans le cours d'eau. Faustine l'observe de loin. Ça a l'air tellement facile. Mais Birgitte interdit à Faustine de l'imiter. Le courant est beaucoup trop fort. La fillette est trop jeune et trop légère encore. La jeune mère de famille lui a expliqué longuement qu'elle n'arriverait jamais à rejoindre la berge si elle était entraînée au milieu du cours d'eau et qu'elle se noierait. Faustine obéit à contre-cœur. Ça a l'air tellement, tellement formidable qu'elle ne mesure absolument pas le danger. Elle trouve les craintes de Birgitte très exagérées. Bientôt, la coquine attire ses voisins dans une balade à vélo. Elle les convainc d'aller pédaler le long du cours d'eau. Évidemment, par cette chaleur, les gamins ne tardent pas à vouloir piquer une tête. Il ne reste plus à Faustine qu'à affirmer haut et fort qu'elle a le droit d'y aller aussi. Sans écouter les rares objections des plus vieux, elle se déshabille sans vergogne et saute dans l'eau. Bien vite, elle est emportée. Dans un premier temps, l'expérience est fantastique. Se laisser entraîner par le courant, sans bouger ou presque, juste profiter de la fraîcheur bienfaisante. Au bout d'un moment, elle entend qu'on l'appelle depuis la berge. Elle veut ignorer les huées, mais elles se font de plus en plus pressantes. Alors Faustine tente de remonter à contre-courant. Et là, rien à faire. Elle a beau brasser l'eau de toutes ses forces, elle comprend qu'elle n'y arrivera pas. Elle est entraînée de plus en plus vite. En désespoir de cause, l'intrépide entreprend de rejoindre la berge en faisant un angle droit. En vain. Heureusement, comme elle l'a souvent entendu dire par maman, le bon Dieu veille sur les imprudents. Il se manifeste ce jour-là sous la forme d'un nageur adulte qui, la voyant en détresse, vient dans sa direction et la pousse vers le talus. Il restera à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'accroche aux longues herbes du bord. Tremblante, la gamine remercie en français tant elle est confuse, puis, peu fière, rejoint la petite bande. Il faudra un gros, très gros paquet de carambars pour soudoyer la petite troupe afin que l'affaire ne s'ébruite pas. Elle n'ose pas penser à la réaction d'ours s'il apprenait sa mésaventure. Déjà, les vacances s'achèvent. Faustine dit au revoir à ses amis de Benken, aux petits et à leurs parents. Elle reprend le train vers la Belgique. L'école recommence dans quelques jours.